couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net pour votre demi-heure bonne humeur en musique. Que vous nous écoutiez le samedi à 13h ou le dimanche à midi, je vous souhaite un bon appétit. Vous connaissez la chanson si vous m'écoutez depuis le début de cette saison et même avant. Nous allons nourrir pas votre corps, votre palais, votre estomac, vos intestins, c'est dégoûtant. On va nourrir votre esprit, votre âme, votre cœur avec de la musique qui justement a du cœur. C'est de la grande musique par la taille de son artiste qui fait combien tu fais 2 mètres 10, un truc du genre, non? Ah, pas autant quand même. 2 mètres. 2,06. Pas autant, 2,06, ouais, d'ici, il manque 4 cm. Si vous êtes nancéien, vous l'avez forcément croisé au détour de Jam Cover Session qu'il organise au Meldon et au Medieval. C'est David JPM. Salut David. Salut Pierre, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, en bonne compagnie, tout va bien. Nous sommes en bonne compagnie avec toi, qui a sorti il y a quelques années déjà un EP, mais qui ne s'est pas arrêté là, puisqu'il y a des compositions qui sont déjà aussi écrites, d'écriture, des choses qu'on va pouvoir présenter dans des concerts prochainement. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Un petit coucou à Lorenzo. Bonjour Lorenzo. Alors je n'ai pas allumé son micro, un petit coucou à Lorenzo. Bonjour. Voilà. C'est un peu on mieux. On l'entend, c'est bon. Stagiaire à la maison, Fadjet, on prend des stagiaires, on aime bien les stagiaires. Et c'est ta deuxième présence dans Couleur Locale. Exactement. Tu es le guest le plus régulier que je n'ai jamais eu. Ça fait plaisir. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Fadjet-6, Couleur Locale, tout comme notre ami David également, David JPM sur Facebook et Instagram, Instagram, tout à fait. Sur DJPM, on peut me trouver, effectivement. David sur Instagram, je n'aurais jamais cru ça. Moi non plus. Moi non plus. Comment s'appelle ton premier EP et où est-ce qu'on peut le Authentique. Trouver Alors, Authentique. On peut le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, iTunes, tout ça. Alors, tu fais de la chanson française, de la chanson à texte, on va dire ça. Les définitions sont souvent, des fois, un peu compliquées. Ouais, c'est un peu galvaudé, c'est un peu compliqué. Je dirais que je suis entre du Goldman et du Ferrat. J'aime bien la chanson à texte, mais qui parle à tout le monde. Je ne veux pas que ce soit trop élaboré non plus, parce que j'ai peur de perdre les gens, mais je ne veux pas que ce soit trop simpliste non plus, parce que j'ai besoin que c'est un vrai sens profond, en fait. Voilà. Mais on est entre le, parce que je suis un grand fan de Goldman, un grand fan de Ferrat, Brel aussi j'aime beaucoup. Donc c'est ce genre de Donc ça c'est tes influences. Voilà, c'est mes influences. Mais très très bien. Alors on va avoir l'occasion d'écouter 3 morceaux en live et tu es gratiné parce que tu es le premier à avoir fait un 100% live dans Couleur Locale, comme quoi. Ça c'est les choses changent. Alors, on écoutera, vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'on va écouter. Alors là on va écouter en tout premier La Vie par Procuration parce que bientôt on va faire un Je vais rebondir là-dessus, on va faire un concert avec le groupe sur un spécial Jean-Jacques Goldman, étant un grand fan depuis le temps que je tarabuste les gens de mon groupe en disant « Il faut faire un tribute, il faut faire un tribute à Jean-Jacques Goldman, on va faire un tribute à Jean-Jacques Goldman. » Donc ça sera au Bazar à Pierrot. Ouais. Et ce sera donc le 9 juin à 21h. Le 9 juin à 21h au Bazar à Pierrot. Bazar à Pierrot, tout à fait. Entrée libre. Voilà. On embrasse évidemment Pierrot. On embrasse Pierrot, on embrasse Joss, hein, la femme de Pierrot aussi, qui est toujours souriante, qui est une grande, grande fan de Jean-Jacques Goldman. D'ailleurs. En plus. Ouais, donc c'est génial. Que demander de mieux? Alors, on va adresser l'éléphant dans la pièce. J'adore cette expression. Je la connais pas du tout. Tu la connais pas? Absolument pas. The elephant in the room, traduction littérale de. Enfin bref, on s'en tape. L'éléphant dans un magasin de porcelaine, mais c'est pas le Bon, on s'en fout. Je suis dans ce projet évidemment avec toi et je vais faire les lives pour cette émission. Ça on le savait pas, ça c'est nouveau. C'est le nouveau groupe reformé. C'est le nouveau groupe reformé. Il y avait l'ancien groupe David JPM avec Amine qui était au violon, qui est parti à Strasbourg, qu'on embrasse chaleureusement, hein, Amine. Bonjour à toi l'ami, au plaisir de te revoir un de ces quatre. Non mais c'est vrai. Et maintenant on a toujours Antoine qui est à la guitare, qui est au chant aussi, qui fait les secondes voix. Et on a donc Clyde qui nous a rejoint. Et maintenant à la place du petit David, donc David Maupetit qui était avant dans le groupe, qui a été remplacé par Clyde. Petit David par rapport au grand David. Voilà, c'est ça. Parce que, la taille, c'est plus facile pour repérer les gens. Et on a évidemment notre Pierre, animateur à Fadjet, que vous entendez actuellement, une voix chaude, chaleureuse. C'est gentil. Qui est toujours en direct avec vous, qui vous guide sur les bonnes ondes. Et qui nous rejoint au flutio, à la flûte, à la clarinette, et que sais-je, au saxophone aussi dans le groupe. Et c'est au chant également. Et au chant également, une grande nouveauté. Voilà, et qui est également chanteur de grand large. Et oui, voilà, quoi. Couleur Locale, c'est 30 minutes avec les artistes de la région. On se connaît un peu tous. On se connaît tous. Alors, La Vie par Procuration. Ouais. Donc je sais que tu es un très grand fan de Goldman. Moi, je le suis, mais je pense beaucoup moins que toi. Ouais. Mais j'adore ce morceau. Il est top, ça. D'ailleurs, Lorenzo, qui a écouté le morceau qu'on va diffuser, c'est possible, a dit qu'il connaissait le morceau, mais tu ne savais plus d'où, forcément. J'avais reconnu l'air. J'avais reconnu l'air. C'était toujours assez flou. Mais oui, quand tu as dit Goldman, ça m'a tout de suite, parlé. Ouais. Et donc, on va interpréter ça ensemble, mon cher David. C'est ce qui vous attend au Bazar à Pierrot le 9 juin à 21h. On est sur Fadjet dans Couleur Locale avec David JPM. Levé sans réveil, avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, la journée se passe. Repasser poussière, y a toujours à faire. Repas solitaire, son point de repère. La maison si nette, qu'elle en est suspecte. Comme tous ces endroits où l'on ne vit pas. Les êtres cédés, perdus la bagarre. Les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas. Les vivants se fanent, mais les ombres passent. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi. D'hiver en automne, ni fièvre, ni froid. Elle met les vieux pains sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. La vie des autres qui s'étale, mais finalement de moins pire en banane, elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Des crèmes et des bains qui font la peau douce, mais ça fait bien loin que personne ne la touche. Des mois, des années, sans personne à aimer. Et jour après jour, l'oubli de l'amour, ses rêves et désirs, si sage et possible. Sans cri, sans délire, sans inadmissible. Sur 10 ou 20 pages de photos banales, bilan sans mystère, d'années sans lumière. Son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse sa scandale, la vie des autres qui s'étale. Mais finalement de moins en pire en banal, elle finira par trouver ça normal. La vie des autres qui s'étale, mais finalement de moins pire en banal, elle finira par trouver ça normal. Mets du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. La vie par procuration, donc de Jean-Jacques Goldman, mais repris finalement à notre sauce. Et il faut préciser exactement qu'au Bazar à Pierrot, nous aurons donc Antoine Bridet, c'est ça, a.k.a. Brido, à la AKA guitare. A.k.a. Brido sur Insta, exactement. Sur Insta, Facebook. Et puis Clyde O'Keron. Tout à fait. Sympa ça, O'Keron. J'aurais jamais pensé que je jouerais O'Keron. Pas O'Caron. O'Caron. Je sais pas, moi je dis American. J'aurais jamais pensé jouer... dans une formation avec quelqu'un qui fait ça. Mais je trouve ça trop bien, justement. C'est... Moi, j'aime bien varier les genres, j'aime bien l'éclectisme dans le groupe, et je pense que c'est un peu le but aussi de David JPM, c'est de marier tous les genres. On n'est pas... Même si moi, je suis dans la chanson française, ben, y en a d'autres qui sortent d'un autre milieu aussi, ils sont plus axés rock, plus axés pop, plus axés celtique, plus folk. C'est le mariage des genres, en fait. C'est ça qui est cool aussi. Alors toi, t'es un peu un jukebox. Ouais, un peu. J'aime bien t'appeler comme ça. On m'appelle comme ça, hein, t'es vraiment le jukebox. en jam, on le voit, tu as... À cause de la taille, en fait, on me voit beaucoup. Il y a de la taille aussi, tu connais énormément de chansons, répertoire français, répertoire anglais. Ouais. Ça va souvent très, très vite. Tu nous as cité tes grandes influences. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, Goldman, Brel, Ferrat. Mm-hmm. Mais peut-être du côté anglais. J'aimerais bien savoir, je ne t'ai jamais trop posé la question du côté anglais. Côté anglais, de la force. J'aime bien, il y a plein de choses que j'aime bien. J'aime bien, par exemple, Phil Collins, énormément. J'aime bien tout ce qui est les chansons d'Elton John aussi, beaucoup. Parce que pareil, tous les chanteurs en fait, qui ont du texte, qui ont du verbe en fait, mais en anglais aussi. Mais c'est ça. Alors du coup, je rebondis sur les jam cover sessions. Si on a envie de te retrouver, de voir le jukebox humain et puis de jouer, hein, puisque c'est le but, donne-nous un peu plus d'infos. Alors la jam cover session, déjà, c'est l'idée en fait de mettre des artistes en pleine lumière. Au départ, alors, de base, c'était l'idée même qu'on avait avec le fondateur à l'époque, avec Bruno. Et c'était l'idée de faire des gens qui n'ont pas confiance en eux, d'arriver sur scène et puis pourquoi pas de pousser la chansonnette et de se mettre à l'aise et puis pourquoi pas créer des vocations. C'est comme ça que les Bridges se sont nés, hein. Ils sont nés lors d'une jam en fait. Ils étaient avec nous, alors c'était que des amis qu'on connaissait, qui sont venus l'un derrière l'autre, qui se sont rencontrés, qui ont sympathisé lors de la jam et ils ont créé leur groupe que tu connais, les Bridges of Souls, que tu as déjà reçu ici, je crois. Déjà reçu dans Couleur Locale, le groupe de métal qui fonctionne bien dans le coin. Très très bien, qui fonctionne bien. Voilà, donc c'est l'idée, c'est surtout de pousser les gens, pas dans leurs extrêmes, mais en fait d'aller les chercher, d'aller chercher le public. Et effectivement, alors donc il y a deux pages, il y a Jam Cover Session Nancy qui est sur Facebook, et il y a JCS, donc Jam Cover Session, JCS.Nancy sur Insta. Et ah là là là. C'est aussi sur Insta. Ça y est, David, là, il est chaud là, sur Insta, là, on lance les Insta, il a tout compris. oui, allez-y, chers auditeurs, si vous êtes musicien, nancéien, ou même pas forcément musicien. Voilà, c'est ça, si vous êtes débutant, si vous avez envie en tant que spectateur, là, actuellement, on est sur, effectivement, le médiéval ou sur le meltdown. Donc, c'est généralement deux jams par mois, ça dépend, en fait, des créneaux et des animations qu'on a de prévues, quoi. David, JPM, c'est un univers assez riche. Ouais. Alors, tu as tendance à dire, avec un humour un peu pince sans rire, que... tu parles beaucoup d'amour, etc. Ah bah surtout, oui. On parlait d'Antoine Achelté qu'on reçoit la semaine prochaine et que tu connais aussi. Un et très bon ami, les discussions entre vous sur les textes. Mais c'est très différent ce que vous faites. Mais voilà, tu parlais en début d'émission qu'il fallait que ce soit accessible à tout le monde, mais en même temps qu'il y a un sens profond. Et je sais que tu ne parles pas que d'amour dans tes chansons. Il y a d'autres thématiques. Il y a des thématiques, on va dire, plus tristes, mais toujours avec une note d'espoir. C'est toujours joyeux. Voilà, il y a des choses. Par exemple, j'ai une chanson qui parle d'un enfant qui a été abandonné, par exemple, dans la rue. Mais c'est complètement une fiction, hein, mais c'est des choses qui pourraient arriver, évidemment. Ce n'est pas des choses qui me sont arrivées personnellement, parce que la moitié de mes chansons sont quand même autobiographiques. Donc, alors que cette chanson-là, bon, c'est un fait que j'ai pris fictif, évidemment. Je le saurais, ou alors je ne suis pas au courant que j'ai eu un enfant quelque part. Voilà, c'est ça. Et l'histoire même, en fait, c'est l'histoire d'une personne qui rencontre quelqu'un. Enfin, qui rencontre un enfant abandonné nu dans la rue et qui va le prendre sous son épaule, qui va devenir son père, alors que lui-même était un peu désemparé, savait pas trop quoi faire et peut-être qu'il aurait mis fin à ses jours parce que dans la chanson, il a des idées noires et il est abandonné le soir de Noël, c'est un peu compliqué dans sa tête, il sait pas comment vivre. Et cet enfant-là va lui redonner espoir à la vie, en fait, va lui redonner goût à la vie. C'est un autre thème, hein, c'est vrai, on parle de l'abandon, on parle peut-être d'une dépression aussi, il y a plein de choses. Il y a une autre chanson qui s'appelle Pourquoi j'existe, que j'ai créée. Qui est une chanson très profonde, un peu métaphysique, sur l'idée même de l'être humain, du pourquoi on est là, quel est notre devenir, et si on n'existait pas, est-ce que le monde serait mieux sans nous ? C'est un peu cette idée-là. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des thèmes forcément très gays, mais ils sont abordés de façon à ce qu'on puisse aborder plutôt, avec des musiques entraînantes. Par exemple, cette musique-là, elle est très très entraînante. Ah, Pourquoi j'existe ? C'est une très belle musique. On a un contre-pied complet sur la chanson qui n'est pas du tout mélancolique, qui n'est pas du tout dramatique, et qui bouge, qui est plutôt rock. Pour casser cet aspect justement très dramatique de la chanson. Mais derrière, il y a quand même quelque chose d'assez dur. Je sens que Lorenzo a une question à poser. Ouais. Pas du tout. Vas-y Lorenzo, je t'en prie. J'en ai même pas. Il avait l'air dubitatif. Ouais, non, mais tu vois ses paroles, je trouve. Exactement. Ah bah c'est... Tant mieux. Mais si peut-être une remarque par rapport au titre. Pourquoi j'existe, c'est quand même très très fort. Comme, ouais. Bah c'est ce que je dis, c'est l'idée même en fait de la question de l'existence humaine en fait. C'est souvent quand j'étais gosse en fait, je regardais le ciel et je me disais, est-ce que je suis le seul être vivant sur Terre ? Est-ce qu'il y a d'autres planètes avec d'autres êtres vivants ? Quelle est ma place par rapport à l'univers ? J'ai toujours eu ces questions de réflexion métaphysique. Moi, faut pas discuter avec moi, vous en avez pour 3 heures hein, si on commence à parler de ça, de la métaphysique. Hein, donc, je comprends parfaitement. C'est l'idée, voilà. Parfaitement. Et le pourquoi j'existe, c'est important. Le pourquoi on est là, le qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit devenir, est-ce qu'on a un but précis dans la vie, est-ce qu'on l'a réussi, est-ce qu'on veut l'atteindre, tout ça quoi en fait. C'est un peu cette chanson aussi. Et une autre chanson, d'ailleurs, qu'on va... J'ai le nez qui pique, vous en foutez, chers auditeurs. Alors voilà, on est sur Fadjet, dans Couleur Locale, 94.1 Nancy et Fadjet.net, je reprends mon sérieux. Donc avec David, JPM, Facebook, Instagram maintenant, Monsieur, un album authentique qui est sur toutes les plateformes. Le premier EP, ouais. Six titres. Un concert au Bazar à Pierrot le 9 juin, à 21h, avec votre serviteur également au micro. Et là, on va passer... voilà, bon, on a parlé un peu de Goldman, et là on va passer vraiment du côté David JPM, de La Force, avec, avec un titre qui est mon préféré d'ailleurs. Ah ouais ? Et oui, mais je te l'ai dit la première fois que je t'ai rencontré et que je t'ai entendu, le titre qu'on va passer est qu'on va passer, je lui dis ça, mais qu'on va jouer ensemble en plus. Et mon titre préféré de David JPM, c'est Je ferme les yeux. Je le trouve très beau. Alors, je vais te poser une question. Ben, de rien. Je vais te poser une question. Il y a souvent deux écoles à cette question. La question est de quoi parle la chanson ? Soit on me répond, bah, les auditeurs, ils ont qu'à écouter. Du coup, je rentre chez moi, je remets ma vie. Hein, pourquoi j'existe aussi en question ? Pourquoi fais-je de la radio ? Et je pleure, je voilà, meurs, c'est... ultimement. Ou alors, rassurez-vous. Ou alors, moi, on me répond tout simplement, oui, ça parle de ça, mais on va écouter quand même. Quoi. Alors, du coup, toi, tu préconises quoi ? On écoute notre petit live où tu nous fais un petit teasing. Ah, je vous propose d'écouter la chanson et de vous faire votre avis, et puis après, je vous donnerai le mien. Eh bien, pour vos yeux et oreilles ébahis, chers auditeurs, je ferme les yeux, David JPM en live sur Fadjet. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux, David JPM, dans Couleur Locale, sur Fadjet à Nancy. Si vous nous rejoignez maintenant, que vous avez raté le début de l'émission, pas de souci, Fadjet.net, le podcast disponible pendant une semaine et très bientôt, peut-être sur Mixcloud, quand j'aurai décidé de payer ces sites du démon qui nous demandent maintenant de payer des abonnements pour mettre des podcasts en ligne. Dans quel monde vit-on, franchement? Ah oui. Eh oui, ça fait plusieurs émissions que je me plains de ça. J'espère que quelqu'un de chez Mixcloud ou Soundcloud ou Spotify ou For Podcaster m'entendra, mais je ne crois pas. Je ferme les yeux, issu de l'EP authentique. Exactement. Tu l'as encore en version physique, cette EP, on peut te l'acheter? Oui, tout à fait, bien sûr. Encore un carton. Il y a encore des cartons et je pense qu'il sera. Alors, ça va être un peu le prochain sujet, c'est-à-dire que comme on va faire bientôt un concert au Théâtre de la Foucotte, il sera disponible. Oui. Il sera disponible à la vente. Puisque ouais, c'est après le bazar à Pierrot le 9 juin, après le tribut de Goldman, nous avons le Théâtre de la Foucotte. Le 16 juin. Le 16 juin. Tout ouais. à fait. Ça, c'est vachement. Alors là, c'est un petit peu différent parce que c'est sur fonctionnement de billetterie en fait. Mm. C'est par rapport à Hello Asso, billets réduits que vous pouvez trouver directement les liens. Sont pareils, sont sur Instagram, sont également sur la page Facebook. Quoi. Donc on vous invite à y aller. Ou alors ceux qui veulent le jour même, ils peuvent lâcher les billets sur place aussi. Voilà. Donc là on sera à 100% sur du David JPM. Il y aura pas 100%, de Goldman, que de la compo. De reprise, non, c'est que de la compo. Que de la compo. Et il y aura des inédites, il y aura des nouvelles chansons. Parce que c'est vrai que les anciens vont se dire, oui, quand est-ce qu'il fait les nouvelles compos? On les connaît pas, on connaît toutes les anciennes. Il y aura trois nouvelles chansons inédites. Ouais. Trois nouvelles chansons inédites. Ouais. Tu seras là, Lorenzo? Peut-être. Peut-être. Le 16 juin à 21h au Théâtre de la Foucotte. Alors le théâtre qui justement est un très bel endroit qu'on ne connaît pas trop. Ce n'est pas un lieu très très connu sur Nancy au final, le Théâtre de la Foucotte. Justement qui est une place à découvrir, qui est vraiment un très bel endroit. Il regorge un vrai trésor intérieur. Extérieurement, on ne le découvre pas comme ça, mais il faut pousser les portes, les murs. Ah, mais une fois qu'on est à l'intérieur, voilà, c'est ça. C'est très prenant. C'est l'atmosphère. Les lieux les plus beaux sont souvent les plus cachés. Oh, c'est beau. Ça me plaît bien. Ça, on dirait quelqu'un qui fait de l'urbex. J'ai voulu. Tu as voulu. Voilà, tu vois. Mais effectivement, parfois, ce qui est beau est caché, et d'où on a la chance d'avoir quelqu'un qui est beau dans sa musique, dans ses paroles. Il n'est pas caché, il est avec nous, il est sur Fadjet. C'est David JPM. Que puis-je dire? Petite dernière question, mise en scène. Dis-moi. Pour la route, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'émission et qu'il nous reste un live. Alors je vais terminer sur quelque chose d'assez poétique. Je vais te faire jouer. Parce que tu es joueur, David, je le sais. Je suis joueur, oui. Donc tu es écrivain, parolier, poète. Musicien aussi. Musicien, mais pour ce qui m'intéresse, on va passer du côté écriture de la force. D'accord. Je vais te donner deux cas de figure et tu vas me dire lequel t'inspirerait plus l'écriture d'une chanson. Ok, vas-y. Okay. Tu rentres d'une tournée, tu es éreinté, tu prends un train, il est 17h, peut-être au mois d'octobre, une fin de journée, un soleil qui commence à se coucher. Ça y est, j'ai le paysage. Tu as le cliquetis sur les rails. Tu vois le cliquetis sur les rails qui accompagne une espèce de début de somnolence. Mmh. Mais tu es réveillé. Tu regardes ce coucher de soleil, tu as quelques odeurs, peut-être le café de la personne à côté de toi. Tu entends des murmures, peut-être un cri de bébé, je ne sais pas. Tu es dans ce train. Mmh. Et ça t'inspire. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je n'en sais rien. Cela t'appartient. Et ça peut t'inspirer le changement, le voyage. C'est toi qui vois. Où? Et où d'ailleurs? Deuxième cas de figure. Mmh. Une chambre silencieuse, pas trop froide, pas trop chaude, un milieu de nuit vers 3h, et c'est une heure importante. Tu te réveilles. Tu te réveilles embrumé, tu es dans cette espèce d'éveil confusionnel. La lune dehors illumine de ses rayons une ville plutôt vide pour cette heure-là. Mais toi, ce n'est pas vide. Ce n'est pas vide car il s'est passé quelque chose, et tu le sais. Tu te réveilles et tu saisis des images, une histoire, un rêve, quelque chose qui n'a pas forcément de sens, puisque parfois les rêves n'en ont pas. Mais il y a un truc dans ton cœur qui vibre, peut-être même une note de chanson, peut-être même une mélodie déjà, peut-être même un texte, une phrase. Ce rêve t'a inspiré. Et comme tu le sais, très souvent, on a tendance à oublier nos rêves dans les premières minutes suivant notre réveil. Alors tu prends ton téléphone portable, un ordi, un calepin, et tu te dépêches de noter, car tu sais que c'est important, que tu vas pouvoir créer une belle œuvre avec ceci. Alors, plutôt train, coucher de soleil, retour de répète, somnolence, ou plutôt réveil nocturne inspirant? Les deux sont pas mal, hein, parce que le train, j'aurais plus l'inspiration d'une mélancolie. Étonnamment, je partirais sur quelque chose de plus nostalgique par rapport aux rencontres, un peu par rapport. Je reprendrais plus l'idée des voyages en train, un peu de grand corps malade, mais plus cette idée un peu, tu vois, de mélancolie, de passage. De gens qui se croisent, des choses comme ça dans le train, dans cette idée-là que j'aimerais bien. Mais Honnêtement, entre les deux, je partirais plus sur la nuit. Parce que étonnamment, j'ai beaucoup composé la nuit suite à bah, des réveils ou des choses comme ça, où j'arrivais pas à dormir, il y avait quelque chose qui me taraudait, et fallait que je le note, fallait que je l'écrive. Et la nuit, en fait, il y a un côté, j'aime bien aussi le calme. J'aime bien ce côté quand c'est idiot, hein, mais quand la maison vit, en fait, j'ai l'impression que la maison est vide ou l'appartement est vide, mais ça vit à l'intérieur parce que justement, t'entends des bruits, t'entends des petites choses, et ça t'inspire, en fait, ça te permet, c'est créatif, quoi, tout ça. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse, simplement les réponses qui nous sied. Cette réponse te sied et me sied aussi. Merci. T'as dit ça, t'as rien dit. Merci David d'avoir participé à cette émission. Le merci 9 juin, Bazar à Pierrot, 21h, tribut de Goldman, entrée libre. Et le 16 juin, Théâtre de la Foucotte, 21h, disponible sur la billetterie. Disponible sur et la billetterie. Il faut ajouter également le 21 juin, la fête de la musique, présent à Fadjet. Effectivement, le 21 juin. Et peut-être avec toi, peut-être, alors. Peut-être avec moi. Fadjet, on vous en parlera un peu plus sur les ondes, mais exactement. Fadjet ouvre ses portes avec de la musique, de l'animation pour même vous, chers auditeurs. Donc oui, effectivement, le 21 juin, et je serai peut-être là. Entre 15h et 20h. Ouais, 15h ouais. Et 20h. Mmh, tout à fait. Puis on va terminer quand même sur un live qui est d'ailleurs un morceau inédit. Je sais que je l'ai joué avec toi, bah, au Bazar à Pierrot d'ailleurs, il me semble. Oui, tout à fait. Une fois, mais je ne suis pas sûr que ça a été beaucoup plus joué que ça. En tout cas, pas avec moi. Non. Donc c'est un morceau qui s'intitule Encore une fois. Encore une fois, ouais. Exactement. Que Lorenzo aime beaucoup. Que j'aime beaucoup, oui. C'est vrai ? Ah bah, j'en suis ravi. Bah, n'hésite pas à se lire si tu veux le redécouvrir encore. Hein. Théâtre de la Foucotte. On s'écoute ça en live avec votre serviteur à la manette, David, évidemment, mon invité, encore une fois. Et on se retrouve dans Couleur Locale sur Fadjet le week-end prochain. Merci à toi, David. On te merci suit Pierre. Sur les réseaux. Merci Lorenzo. Merci de votre accueil. Merci à Fadjet. moins.